satin. Lui pense à demain. Santé fragile, sans billet de retour. Quitter la ville au lever du jour. Au bord de la traque, toujours debout. Mon Dieu, je t'en prie, donne-moi du cash. Au fond de son sac, il y a tant de credos. Il y a des berceaux et tant de sanglots. Il y a la cheville, un cri comme un air de Guthrie. C'est un air connu, l'écho de nos peines. Tout comme un train siffle au loin. C'est un air connu que le temps ramène. L'histoire est pleine d'espoir déçu. Pendant que les patrons des jeunes entre eux, jeu d'expansion en sauve qui peut. Lui reçoit la claque de la dépression. Travaille en vrac au pied du crash. Il fait le feu sous le soleil de plomb. De revenir en fin de saison. Mais dans le pays, plusieurs milliers ont fait ce vœu. Avant lui, un cri comme un air de Guthrie. C'est un air connu, l'écho.